Chapitre 10e. Quant aux appartements, Mrs. Barnaby en vit assez pour avoir un choix plus que suffisant, et pour exténuer Agnès, qui la suivait, tantôt en haut, tantôt en bas d'innombrables étages, ou qui restait debout derrière elle, attendant qu'elle eût achevé les interminables colloques auxquels elle se livrait avec une multitude de respectables dames propriétaires, croyant toujours que sa tante avait enfin trouvé ce qu'elle désirait. Quant aux aventures, les rues tranquilles d'Exeter ne devaient vraisemblablement pas en fournir beaucoup, quoique la veuve ait eu la satisfaction de remarquer que les gentlemen oisifs y abondaient, qu'on y apercevait de temps à autre un officier de cavalerie, et que sur 10 hommes, de n'importe quelle classe, c'était à peine s'il s'en trouvait un, qui, en passant près d'elle, ne la regarda en plein visage. À la fin, après s'être tellement promenée qu'elle n'en pouvait plus elle-même, elle entra chez un pâtissier pour manger des buns et se concerter encore. Fallait-il arrêter l'appartement du Croissant ou celui de la rue Haute? Le quartier du Croissant était particulièrement comme il faut, la rue Haute particulièrement gaie. Il arrivait souvent à Mrs. Barnaby de réfléchir tout haut, ce qui lui donnait l'air de parler à sa nièce. C'est ce qui arriva en ce moment. « Ce salon est adorable, ceci est certain. Et si j'étais sûr de recevoir de la compagnie, je pencherais pour celui du Croissant. Mais comme il est fort probable que personne ne me conviendra ici, il serait mortellement triste. Tandis que dans celui de la rue Haute, quand même il ne nous viendrait pas une âme du lundi matin au samedi soir, nous ne saurions jamais être tristes. Il y a là tant de gentlemen de province, et ceux-là regardent toujours tout autour d'eux, bien plus que les autres hommes. » Puis, tout d'un coup, s'adressant alors pour tout de bon à sa nièce, elle ajouta « Est-ce votre avis, Agnès ?»« Je ne sais pas, madame. » répondit Agnès, d'un ton qui aurait ravi sa tante Compton et dont d'autres auraient pu s'offenser. Mais cela ne fit que divertir sa tante Barnaby, qui se mit à rire de tout son cœur en disant, aussi bien pour être entendue par la jeune femme qui tenait le comptoir que par sa nièce, « Bon, ma chère, c'est très bien. C'est ainsi que nous commençons toutes. Et plus tard, quand vous connaîtrez le comment et le pourquoi de toutes choses, vous serez longtemps encore, avant de vouloir l'avouer. » Soudain, le souvenir du presbytère de Hampton avec sa jolie prairie, ses fleurs, ses livres, ses habitants si intelligents, se présenta à la pensée d'Agnès. Elle ferma les yeux involontairement et soupira profondément. Mais il ne lui fut pas permis de prolonger sa rêverie, car Mrs. Barnaby, ayant fini de rire et de manger son bun, se leva en disant « Allons, venez, enfant. C'est celui de la rue Haute qui nous convient le mieux, n'est-ce pas, Agnès ?»« Vous devez savoir mieux que moi ce qui vous va, ma tante, » répéta presque tout bas la pauvre fille. « Mais celui du quartier du Croissant me semblait bien tranquille et bien agréable. »« Tranquille, ah oui, je le crois. Et si c'est là votre goût, il est fort heureux que ce soit moi qui doive choisir. Mais c'est moi qui dois payer aussi. »« C'est juste sixpence, » ajouta-t-elle en riant et en tirant sa bourse. « Un bun pour la jeune personne, et 5 pour moi. Allons, venez, mon enfant, et faites-moi le plaisir de rejeter en arrière cet épais voile de crêpe. Votre chapeau n'en fera que mieux. » Une demi-heure plus tard, la question de leur situation à Exeter était vidée. Le premier étage de la belle maison de Mrs. Tompkins, dans la rue Haute, était garanti à la veuve pour 3 mois, plus un lit dans une mansarde pour Jerningham. À la fin de ces 3 mois, Mrs. Barnaby était secrètement déterminée à mettre son deuil de côté, autant que la chose serait faisable, de manière à vouloir paraître étincelant de fraîcheur, voire même couleur de rose, au moment de l'éclosion de la fleur du pommier. Toutefois, la location de l'appartement ne fut pas conclue sans quelques petites difficultés, car Mrs. Tompkins, qui ne se cachait pas d'être, selon son opinion, la plus respectable des propriétaires de maisons garnies de toute la ville d'Exeter, ne reçut pas cette seconde et concluante visite de l'élégante veuve avec une aussi grande apparence de satisfaction que cette dernière s'y était attendue. « Me voici encore, Mrs. Tompkins, » dit la très spirituelle dame, habillée de crêpes et d'alépines. « Après tout, je ne vois aucun logement qui me plaise autant que le vôtre. C'est que je ne sais pas trop, madame. Pourrais-je vous demander de m'honorer de votre nom ?» dit avec raideur la respectable propriétaire. « Barnaby, » répondit la veuve avec une solennité qui donnait beaucoup de dignité à ce nom. « Je suis la veuve d'un gentleman des environs de Silverton, qui était possesseur d'une grande fortune. Trouvant trop pénible pour moi de rester dans les lieux mêmes où j'ai joui de mon bonheur, actuellement perdu, je suis venu à Exeter avec ma nièce et une seule femme de chambre afin de passer quelques mois dans une retraite relative avant d'aller rejoindre en province ma famille et mes amis auxquels leur rang et leur fortune permettent naturellement une vie plus gaie que celle qui me convient pour le moment. Je ne suis guère habitué à raconter ainsi mon histoire, mais tel est mon nom, telle est ma position, et si ni l'un ni l'autre ne vous agrée, je chercherai un appartement ailleurs. « Je vous demande bien pardon, madame, » répliqua Mrs. Tompkins, considérablement impressionné par cette imposante exposition des faits. « Mais dans notre partie, on est obligé de prendre certaines précautions, et les vraies dames, comme vous, se trouvent toujours mieux de s'être fait connaître. À quelle auberge avez-vous mis votre femme de chambre et vos bagages, madame ?»« À l'hôtel de la rue, Mrs. Tompkins. Et si nous nous entendons pour l'appartement, j'irai tout de suite payer ma note à cet hôtel et reviendrai ici. » « Vous avez des voitures de place par ici, n'est-ce pas ? Je n'ai pas pris mon équipage avec moi. »« Oui, madame, nous avons des voitures de place, et nul n'en a de meilleures. Mais si c'est seulement pour les bagages, un commissionnaire vaudra mieux. Ce n'est qu'à un pas d'ici. » Le contrat fut donc passé. Ces dames retournèrent à l'hôtel pour effectuer leur déménagement. À 7 heures, elles étaient assises dans leur salon à prendre le thé, et la jeune femme de chambre qui avait été initiée par le factotum de la maison au mystère de la boutique universelle du voisinage, accomplissait le premier acte de son service intime à la très grande satisfaction de sa maîtresse. Mrs. Barnaby ne connaissait littéralement pas une âme à Exeter. Le jour suivant, elle demeura au lit 1 heure de plus qu'à l'ordinaire pour chercher dans sa tête par quels moyens elle arriverait à faire la connaissance de quelqu'un qui peut l'introduire dans la société de cette ville. Une fois qu'on l'aurait vue, elle était parfaitement persuadée qu'il ne subsisterait plus la moindre difficulté. C'était le premier pas qui n'était point commode. Il y avait bien quelques personnes qu'elle avait connues à Silverton, mais pour rien au monde, elle n'aurait voulu faire son entrée dans le beau monde, même à Exeter, comme la veuve d'un pharmacien. « Non, » pensa-t-elle, et d'un bond se retournant d'un côté du lit à l'autre, elle continua. « Je me taillerai mon chemin moi-même. J'ai une tête, que je sache, aussi bien qu'un visage. » Et une fois débarrassée de cette sale robe et de ce hideux bonnet, nous verrons bien ce qu'il y a à faire. Cependant, elle s'aperçut bientôt que sa seule distraction était de se promener d'un bout à l'autre de la rue haute tant que durait le jour. Promenade mélangée pour elle d'autant de douleur que de plaisir. Voir des gens en si belle toilette et tant de superbes chapeaux lui faisait croire qu'elle était à la porte du paradis. Mais, dans l'impossibilité, soit d'entrer en relation avec ces gens si bien mis, soit de porter elle-même ses ravissants chapeaux, changeait bientôt en amertume tout cet enchantement. Mais cet Tompkins était devenu un vrai trésor pour elle. Elle sympathisait avec toutes les idées de sa locataire et l'aidait à les satisfaire. Cette fine dame avait rapidement découvert que Mrs. Barnaby avait en réalité pas mal d'argent, et de plus, que le défunt gentleman possesseur d'une si grande fortune n'était autre que le pharmacien de Silverton. Mais le respect que lui avait inspiré la première de ses découvertes avait fortement contribué à effacer l'impression de mépris que la fausseté révélée par la seconde aurait pu faire naître, et somme toute, leurs relations étaient des plus amicales. « Voyez-vous quelque nécessité, Mrs. Tompkins ?» dit la dolente veuve. « Mais dites-moi vraiment, en voyez-vous aucune ?»« À ce que je continue à porter ce lugubre costume qui me brise le cœur, presque toutes les fois que je me regarde. » Voici environ 6 mois que mon cher mari a cessé d'exister, et je me suis laissé dire que parmi les gens comme il faut, un deuil ne se portait guère davantage. Par le fait, 3 mois avant le jour où Mrs. Barnaby articulait ses doléances, le digne pharmacien était encore plein de vie et de santé. Mrs. Tompkins le savait bien, aussi bien que la veuve elle-même. Mais Mrs. Tompkins avait une sœur modiste, et les affections de famille l'emportant sur le respect dû aux convenances, elle vota pour la mise de côté des vêtements de deuil. « À qui cela peut-il faire du bien ? Je le demande aussi à aller à la terre, » fit remarquer la propriétaire, « qu'une pauvre femme ait le cœur brisé chaque fois qu'elle se regarde dans la glace. » On fit donc chercher la modiste, et après une longue conversation, il fut décidé que Mrs. Barnaby irait le dimanche suivant à la cathédrale en robe de satin noir, avec un chapeau, une cravate et des gants couleur lavande. Quand on considère l'état de dépendance complète dans laquelle la veuve voulait maintenir la pauvre Agnès, on s'étonne de l'embarras qu'elle éprouva à lui faire part de sa détermination. Ceci ne pourrait que témoigner en faveur de Mrs. Barnaby comme preuve de la honte qu'elle ressentait. Toutefois, il est bien certain qu'elle eût souhaité pour le moment voir sa nièce au fond de la mer. Mais, surmontant ce petit mouvement de faiblesse, elle se décida à aborder franchement la question. Elle s'assit donc, et après avoir tenu ses yeux fermement fixés sur Agnès pendant une minute ou deux, elle commença. « Je ne saurais m'expliquer cela, ma chère. Mais quoiqu'il ne me déplaise nullement de vous voir en grand deuil, vous ne pouvez vous imaginer ce que je souffre à me voir moi-même revêtue de tout ce noir. Et je me demande pourquoi je continuerai à torturer ainsi mon pauvre cœur par la seule raison qu'il est d'usage dans le monde de porter un certain costume pendant un certain nombre de jours et de semaines. Mais ici, Agnès, Dieu merci, je ne connais pas une âme, et je crois vraiment qu'il y aurait là de ma part comme une sorte de révolte contre la Providence si je me refusais à profiter de l'avantage que m'offre cette heureuse circonstance. Mon Dieu, il est bien facile à des femmes ordinaires de porter pendant une année tout entière un costume qui leur rappelle sans cesse la plus terrible perte qu'une femme puisse faire. Mais pour moi, mon enfant, il n'en peut être ainsi. Aussi me suis-je déterminé à faire tout de suite cet effort. Seulement, il est bien entendu, et vous devez bien vous en apercevoir de vous-même, Agnès, que ce n'est pas uniquement pour moi que je fais tout ce que je puis pour recouvrer ma santé et mon entrain habituel. C'est pour vous, cher enfant, c'est par amour pour vous que je me suis décidé à arrêter les ravages d'un chagrin qui me rongeait jusqu'aux moelles. N'allez pas être injuste envers moi au moins. Chaque fois que vous me verrez secouer la tristesse de ma condition de veuve, dites-vous bien que c'est uniquement par dévouement pour vous et pour l'amour de la vérité, Agnès. Faites en sorte que d'autres aussi le sachent. » Et cette fois encore, la pauvre Agnès ne trouva pas la force de répondre. L'amour de la vérité était fort développé en elle. Exprimer quelque sympathie ou quelque reconnaissance en ce moment était pour elle un outrage tel fait à ce culte qu'elle se fût fait horreur en y condescendant. Elle ne sut que dire « La vue du costume de veuve est certainement fort triste. Personne ne peut mettre cela en doute, ma tante. Grand Dieu, vous aussi vous souffriez de cette vue, ma pauvre enfant, ma pauvre Agnès. Ah, j'aurais dû songer à cela plus tôt. Mais mon costume ne blessera plus longtemps votre jeune cœur. Cette semaine verra la fin d'une torture si inutile pour chacune de nous. Seulement, je compte bien que vous n'oublierez jamais ce que je fais pour vous, ma chère. Et pourtant, malgré tous mes efforts, il se passe au fond de mon cœur comme une sorte de lutte avec une tendre faiblesse. Je sens que le sacrifice me sera encore bien plus douloureux si je vous vois, vous aussi, Agnès, laissez là immédiatement vos vêtements noirs. Ressentiriez-vous, mon enfant, quelque répugnance à porter sérieusement encore pour quelques mois le deuil de votre pauvre cher oncle ? Ici, Agnès ne ressentit aucune difficulté, et comme sa tante s'y attendait bien, elle répondit avec vivacité « Oh Dieu, non, ma tante, pas la moindre !»« Je suis heureuse de découvrir en vous, Agnès, bien que vous soyez encore si jeune, des sentiments si parfaitement d'accord avec ce qu'ils doivent être, » dit la veuve avec solennité. « J'aime à vous voir témoigner le profond respect que vous éprouvez pour l'être incomparable que nous avons perdu. C'est précisément ainsi que je vous désirais. Mais n'ayez pas l'air si triste, mon amour. Voyons, que pourrais-je donc inventer pour vous distraire et vous amuser un peu ? Ah, tenez, que diriez-vous, fillette, de coudre de la blonde à des bandes de tulle pour me faire un tour de tête, hein ?» La veuve tint fidèlement la promesse qu'elle avait faite à Agnès, et jamais depuis, excepté pour un temps très court dont il sera question plus loin, elle ne courut le risque d'affliger le cœur de personne par la vue de son grand deuil. Car, tout en se contraignant encore pendant un certain temps, avec une dignité sage, à ne porter comme fond de toilette que des soies et des satins noirs, il n'y eut pas une des couleurs de l'arc-en-ciel qui ne finit petit à petit par s'introduire dans les garnitures et les ornements de ses robes. Durant cette période, toutes les heures qui ne furent pas consacrées à combiner à nouveau son élégance, soit pour aller l'étaler à l'église, soit pour la promener dans la rue, furent employées à convertir en riche broderie de la mousseline bon marché et à s'arranger pour donner à des carrés de batiste d'Écosse l'apparence de vrais batistes enrichis du travail délicat du crochet au tambour. Il arriva, fort heureusement pour Agnès, que la broderie aux plumetis n'avait jamais pris rang parmi les branches de l'éducation féminine au rectorat de Hampton. Si elle avait su broder sur mousseline, son existence fut devenue intolérable, car sa tante plaçait ce talent au-dessus de tous les autres. L'un des axiomes favoris de Mrs. Barnaby était que rien au monde ne faisait une aussi énorme différence dans la toilette des femmes que de belles broderies en plus ou moins grande quantité. Aussi comptait-elle bien emporter une grande profusion et éprouvait-elle une indignation profonde pour la coupable négligence dont Mrs. Wilmot avait fait preuve en ne songeant pas donner à ses élèves un talent si complètement comme il faut pour une femme et d'une si grande utilité. Se créer une occupation pendant les heures que sa tante passait à broder devint bientôt le sujet de toutes les méditations d'Agnès. Elle savait qu'il fallait que ce fût quelque chose qui ne gênât ni n'ennuyât en quoi que ce soit Mrs. Barnaby, et il est probable que ce fut cette conviction qui la rendit assez discrète pour ne pas demander de louer un piano, chose après laquelle elle soupirait pourtant depuis longtemps, aussi vivement que le cerf après le ruisseau. Car elle avait hérité des dispositions musicales de son père et de sa mère, et, de tous les plaisirs que ses travaux lui avaient déjà procurés, l'étude de la musique avait été le plus grand. Mais que sa tante dépensa de l'argent sans autre but que de lui donner à elle, Agnès, un amusement qui ferait du bruit dans leur unique salon, ceci était hors de question. Elle abandonna donc en elle-même pour toujours l'idée du piano. Mais il y avait d'autres études qu'elle avait commencées à Hampton, qui pourraient, si on le lui permettait, même sans l'aide d'aucun professeur, embellir beaucoup une existence que la pauvre enfant commençait à regarder comme le plus pesant de tous les dons de la Providence. Ayant enfin décidé ce qu'elle voulait demander, elle prit son courage, toussa deux fois et dit « Auriez-vous quelque objection à faire, ma tante, si j'essayais de travailler à moi toute seule mon français et mon italien pendant que vous broderez? J'ai quelquefois peur d'oublier tout ce que j'ai appris. » « J'espère bien que non. Ce serait véritablement insensé à vous, Agnès, et de plus formal. Votre instruction est tout ce que vous tirerez jamais de cette Isabelle bossue de notre tante, et vous devez toujours vous rappeler ce qui est très possible, vous savez, qu'un jour peut venir où vous n'auriez pas d'autre moyen d'existence. Certainement, je vous aime beaucoup, et puis dire que je vous suis passionnément attaché. Vous ne pourriez jamais nier cela, c'est impossible. Mais nous ne devons jamais oublier ni l'une ni l'autre que, selon toute vraisemblance, je puis me remarier et avoir une famille. Dans ce cas, ma chère, j'aurais beau vous aimer beaucoup, car mes dispositions envers vous sont plus affectueuses que ne le sont ordinairement celles d'une tante, mon devoir sera de penser avant tout à mon mari et à mes enfants, ce qui rendra probablement nécessaire pour vous de vous placer comme gouvernante ou bien comme sous-maîtresse dans une pension. Je comprends cela très bien, ma tante, répondit Agnès, qui, loin d'être effrayée par l'avenir qu'on développait devant elle, y trouvait une pensée réconfortante. Et c'est une forte raison de plus pour que je tâche de me mettre en état de remplir une place de ce genre. Je faisais de grands progrès à Hampton. Voulez-vous avoir la bonté de me laisser essayer de travailler toute seule ici? Certainement, Agnès. Je désire encourager vos louables efforts. Mais il faut convenir que c'est une honte pour cette Mrs. Wilmot de ne pas vous avoir appris à broder au plumetis. Après tout, c'est le seul moyen pour une femme comme il faut de se suffire. Tenez, regardez ce col, Agnès. La mousseline ne m'a pas coûté plus de 6 pence. Non, certainement pas plus de 6 pence. Eh bien, je puis affirmer que je ne trouverai pas son pareil dans aucune des boutiques d'Exeter à moins de 2 guinées. Il faudra bien du temps avant que le français ou l'italien vous rapporte un tant pour cent comme celui-là. Maintenant, écoutez-moi, mon enfant, avant que vous ne remettiez le nez sur vos stupides livres. Je vais vous dire quelles sont mes intentions envers vous. Je hais trop l'enseignement pour essayer de vous montrer à broder moi-même. Mais si vous me dites franchement que vous vous sentez capable d'apprendre et d'y prendre goût, je paierai une femme qui viendra ici vous donner des leçons. Je vous aime tant, Agnès, que si vous vouliez vous mettre loyalement à cet élégant travail, que je puis nommer un travail comme il faut, je ne songerai jamais à me séparer de vous, même si je me remariais, car je n'aurai jamais aucune difficulté, j'en suis sûr, à retirer de votre ouvrage plus que ce qui ne serait nécessaire pour vivre moi et mes enfants, pourvu, bien entendu, que vous arriviez à attraper dans ce travail cette sorte de style si parfaitement élégant. Qu'en dites-vous, Agnès ? Vous êtes bien bonne, ma tante, répondit la pauvre fille en rougissant fortement. Mais, vraiment, vraiment, j'ai peur que n'ayant jamais commencé jusqu'ici, je ne me trouve dans l'impossibilité absolue de rendre mes doigts entêtés aussi habiles que les vôtres. Je n'ai jamais eu beaucoup de disposition pour tous les ouvrages à l'aiguille, et ce que vous faites est si joli que je ne saurais jamais arriver à en faire autant. Vous avez peut-être raison, ma chère. Peu de femmes font avec leurs doigts ce que je fais avec les miens. Non, ma chère tante, vraiment, je vous assure, je ne pourrai jamais. S'écria Agnès en proie à une grande angoisse. J'aime beaucoup les livres, moi, et je préférais donner des leçons en ville plutôt que de broder sur mousseline, si vous le permettez, car je suis sûr, oh, mais tout à fait sûr, de ne jamais le bien faire. Tant pis pour vous, mon enfant. Souvenez-vous toujours que j'ai accompli mon devoir en voulant vous le faire apprendre. Puis-je commencer à travailler avec mes livres, ma tante? Vos livres? Où prendrez-vous donc des livres, Miss Agnès? Vous ne vous attendez pas, j'imagine, à ce que je vous en achète. Je vois déjà que Silverton ne peut pas servir de type quant aux dépenses qu'il faut faire dans le reste du monde. J'aurai bien assez l'occasion de prodiguer mon pauvre argent sans aller le gaspiller en drogue. Oh, ma tante, je ne songe pas à vous prier de m'acheter des livres. Vous allez voir comme je suis bien pourvue. » Et en disant cela, la pauvre Agnès s'en alla tout courant. Quelques minutes après, elle revenait, tenant entre ses bras un fort joli coffret d'acajou qui, pour voyager, avait été recouvert d'une enveloppe de cuir et que sa tante lui avait laissé emporter sans défiance, l'ayant pris pour le trésor qui contenait ce qu'elle avait de plus précieux. Ce ne fut pas sans difficulté qu'Agnès apporta ce coffret. Car, quoiqu'il fût petit, il était fort lourd, et quand elle l'eut ouvert, il offrit aux yeux quelque peu surpris de sa tante une collection de tout petits volumes, si proprement rangés dans cette espèce d'étui qu'on ne pouvait douter qu'ils n'eussent été faits l'un pour l'autre. « Ceci m'a été donné par M. Wilmot, ma tante, » dit Agnès, en retirant un volume pour faire voir sa jolie reliure. « N'est-ce pas qu'il a été bien aimable ?»« Je trouve cela une véritable extravagance de la part d'un homme dont la femme tient une pension. Il faut qu'il ne sache vraiment quoi faire de son argent. » « Oh, ma tante, ce n'est pas pour cela, car M. Wilmot n'est pas du tout extravagant. Il m'a dit que ma tante Betsy, au lieu de payer ma pension chaque semestre, comme tout le monde fait, avait insisté pour lui donner en une fois le montant des 5 années, ainsi que l'argent nécessaire à mon entretien, et qu'alors, il avait résolu d'employer les intérêts que cette somme avait produits à me faire un cadeau. Je trouve qu'on ne peut agir plus généreusement. » « Et au nom du ciel, que pouvez-vous avoir là, mon enfant? Tout grammaire et livre à épeler, je présume ? Mais on n'a jamais vu réunir pour l'usage d'une seule personne une quantité plus insensée de livres d'école. Je ne vois aucune générosité dans une chose aussi bête. Ce ne sont pas des livres d'école, je vous assure, ma tante. Qu'est-ce que c'est alors, je vous prie? Pourquoi apportez-vous à cela un tel mystère? Oh, il n'y a là aucun mystère, mais je ne savais pas. Je vous lirai les titres, si vous voulez bien, tante. Voici Shakespeare, Milton, Spencer et Gray. Ce sont tous mes livres anglais. Et quels sont ceux-ci? Racine, Corneille, La Fontaine et Boileau. Quelle drogue inutile! Et ceci, Dante, Tasse et Pétrarque. Et ces 6 gros volumes sont les Complimenti Lyrici de divers auteurs. Oh, bonté divine, mon enfant! Ne me baragouinez pas votre stupide jargon d'école! Là, remportez-les tous. Je ne vois pas très bien comment ceci peut vous aider à devenir une institutrice. Des grammaires et des dictionnaires, je crois, auraient été beaucoup plus à propos pour cette sorte d'utilité. Mais j'en ai aussi, tante, dans la malle de mes robes, et si vous voulez bien me permettre de passer mon temps à les travailler, je ferai, j'en suis sûr, de très grands progrès. Des progrès? Des progrès à quoi, mon enfant? À lire avec facilité aussi bien le français que l'italien, et peut-être à écrire l'un et l'autre correctement. Bon, et si cela peut vous mettre à même un de ces jours de gagner votre pain, je vous assure que je ne ferai rien pour vous en empêcher. Mettez-vous à l'ouvrage quand vous voudrez. Seulement, rappelez-vous bien que je ne veux plus en entendre parler. J'ai horreur de ces choses-là. Oh, je sais bien que si j'étais dans votre position, il serait de mon devoir de penser différemment. Mais ceux que la Providence a comblés de la bénédiction et de la richesse, ma chère, ont le droit de suivre leur goût. Et j'étais né pour être une lady. Depuis ce jour, le vide douloureux qui s'était fait dans le cœur et pour ainsi dire dans l'esprit d'Agnès sembla rempli. Quand sa tante n'avait pas besoin d'elle pour la promenade, elle consentait à la laisser lire et étudier. D'autant plus volontiers que cela donnait encore à Agnès un air enfantin qui était précisément le pied sur lequel la veuve désirait la maintenir encore pendant 1 année ou 2. Ressentant très vivement le grave inconvénient d'avoir auprès d'elle une Agnès ayant l'air d'une femme, quand elle était encore elle-même dans tout l'éclat de sa beauté. Ce fut de cette manière que s'écoula la période qui avait été fixée pour leur séjour à Exeter. Tout était entièrement prêt. La garde-robe de Mrs. Barnaby, ses broderies et tout le reste, ne demandant qu'à être étalée à tous les yeux. Betty Jacks, ou plutôt Jerningham, avait appris à se donner l'air d'une parfaite effrontée, ne sachant que courir, faire des commissions ou repasser, pour les rafraîchir, les toilettes chiffonnées. Le soleil brillant de juin avait succédé à la douce température d'un printemps du Devonshire. Tout enfin semblait inviter l'aventurière veuve à se lancer sur un champ de parade plus vaste. Mais avant d'opérer ce mouvement en avant, sur lequel elle fondait tant d'espérance, il lui fallait prévenir sa belle-sœur, Mrs. Peters, qu'elle avait le tendre désir de passer quelques mois à Clifton, afin de faire connaissance avec elle ainsi qu'avec sa famille. La lettre par laquelle Mrs. Barnaby annonça cette intention à Mrs. Peters est trop caractéristique pour être omise. « Ma bien chère sœur, au sein de la terrible calamité qui est tombée sur moi, la seule pensée qui ait suggéré à mon pauvre cœur de veuve un léger semblant de soulagement a été l'espérance de me mettre en relation avec la sœur de mon Barnaby, à jamais perdu. Bien-aimée Marguerite, c'est ainsi qu'il faut me laisser vous appeler, car c'est ainsi que j'étais habitué à vous entendre nommer par lui. Bien-aimée Marguerite, laissez-moi espérer que je trouverai près de vous et au milieu de votre charmante famille la sympathie et l'affection dont j'ai si grand besoin. Votre admirable frère, le mari que j'ai perdu, mais qui ne sera jamais être oublié, avait réussi comme il le méritait dans la profession dont il était le plus bel ornement et a laissé une ample fortune qu'il m'a léguée tout entière, comme vous le savez, avec la confiance et la libéralité qui convenaient si bien à l'amour parfait sans égal qui nous unissait. Mais hélas, ma sœur, la Providence nous a refusé un gage de ce tendre amour et, naturellement, où pourrais-je chercher les derniers possesseurs de la fortune de mon mari, si ce n'est parmi les membres de votre famille? J'ai une nièce, presque une enfant encore, que j'amènerai avec moi à Clifton. Mais quoique je lui sois profondément attaché, le sentiment de la justice est trop développé chez moi pour que je lui permette de me laisser droit à d'autres droits plus justement fondés. Quand nous nous connaîtrons mieux, ma bien chère Marguerite, vous découvrirez que cet amour de la justice est la règle et le guide de toutes mes actions. Et j'ai la confiance que vous en verrez une preuve dans la manière dont j'ai arrangé ma vie, bien au-dessous de ce que mes moyens me permettraient. Par le fait, je ne saurais jamais oublier, ma chère sœur, que tout en étant la veuve de mon pauvre Barnaby, je suis la fille du plus infortuné des ecclésiastiques de Silverton, qui, bien que d'une haute naissance, fut obligé de vendre les terres qu'il tenait de ses ancêtres, ruiné lui-même par la trahison d'un ami. Ceci, je l'espère, vous expliquera d'une manière satisfaisante pourquoi je ne voyage pas avec toute ma maison. Hélas, ce n'est ni dans les pompes mondaines, ni dans l'ostentation qu'un cœur vraiment bœuf peut trouver un peu de soulagement. Donnez-moi de vos nouvelles, chère sœur, et soyez assez bonne pour m'indiquer où je devrais me faire conduire en arrivant à Clifton. Je suis, ma bien chère Marguerite, avec mes plus affectueux compliments pour monsieur votre mari et les bénédictions de la plus affectionnée tante pour vos enfants. Votre sœur toujours dévouée, Martha Barnaby. Cette lettre parvint à Mrs. Peters pendant le déjeuner. À la table, toute la famille, le père, la mère, un fils et trois filles étaient réunis. La dame la lut tout au long en silence, la parcourut des yeux rapidement une seconde fois, et l'attendit à son époux avec une certaine solennité, bien qu'en même temps quelque chose qui ressemblait beaucoup à un sourire passa sur ses traits. M. Peters aussi lut la lettre, mais, à l'encontre de sa femme, ce ne fut pas en silence. C'est fort aimable à elle, vraiment. Pauvre chère femme, un vrai chagrin, c'est bien facile à voir. Cela doit être vraiment une excellente femme que cette veuve du pauvre Barnaby, ma chère, et c'est de bon cœur que je me félicite de sa venue parmi nous. Votre tante Barnaby va venir, mesdemoiselles. J'espère que vous vous comporterez toutes de façon à vous faire aimer d'elle. Y a-t-il quelque empêchement, Marguerite, à ce que les enfants voient cette lettre? « Aucun, » répliqua la dame, « excepté... »« Excepté quoi, ma chère ? Je vous assure que c'est une lettre qui ne peut que faire honneur à celle qu'il a écrite, et je serais fière de pouvoir lui répondre de la même façon. Que voulez-vous dire par votre « excepté »? Rien. Ces demoiselles et moi nous en causerons plus tard. James, j'en suis sûr, la comprendra tout de suite très clairement. »« La comprendra. Sans aucun doute, il la comprendra. » Je n'ai jamais lu de ma vie une lettre mieux écrite et plus aisée à comprendre. Voyons, James, lisez-la tout haut à vos sœurs. » Le jeune homme obéit et lut la lettre gravement jusqu'au bout, quoique plus d'une fois, de son œil bleu railleur. Il lança à sa mère un regard qui, à la grande satisfaction de celle-ci, lui prouvait qu'elle avait eu raison de compter sur la finesse de son fils. « C'est une tante qui en vaut la peine, n'est-ce pas ? » dit le papa, debout devant la cheminée, où il faisait sa station favorite, le dos tourné vers la grille. Quoiqu'il n'y eût aucun feu dedans. Maintenant, j'espère bien que vous n'allez pas faire des grâces et des manières, parce qu'elle arrive du fond d'une province éloignée, et que vous ferez de votre mieux les uns et les autres pour lui prouver que vous êtes dignes de sa bonté. Je ferai tout mon possible pour me conduire en neveu plein d'égards. Mais, monsieur, ne trouvez-vous pas que la dame s'avance beaucoup? Oh ! S'écria sa mère en riant. Qu'elle tienne seulement ce qu'elle promet. Qu'elle tienne ce qu'elle promet, mais certainement elle le tiendra, la pauvre femme. Elle a le cœur brisé. Elle est sans courage, c'est facile à voir par sa lettre, observa le digne M. Peters. Et j'espère, femme, que vous serez bonne pour elle. Et où dois-je lui dire de descendre, M. Peters? À l'hôtel de York, je crois, ma chère. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais je m'imagine qu'elle s'attend à ce que nous lui demandions de descendre ici. Non. Eh bien, cela ne me frappe pas du tout. Donnez, que je revoie encore la lettre. Mais qu'importe, et qu'elle veuille dire ceci ou non, il est plus convenable de le faire, puisqu'elle dit qu'elle désire épargner son argent à la pauvre femme. Le père et le fils s'en allèrent faire un tour en Bristol, laissant Mrs. Peters avec ses trois filles en train de deviser sur la lettre, afin d'y répondre. « Je vois ce que vous pensez, maman, » dit l'aînée des filles lorsque la porte fut refermée. « Vous n'avez pas foi dans cette douleur de veuve. Pas autant, Marie, que j'en aurais eu peut-être si elle parlait moins de son chagrin. « Et ces généreuses intentions en notre faveur, maman, » dit la plus jeune, « vous n'y avez peut-être pas foi davantage. »« Pas autant, Lucie, » dit la dame, répétant les mêmes paroles, « que j'en aurais eu peut-être si elle en parlait moins. » « Eh bien, j'espère que vous vous trompez toutes, » dit Elisabeth, la seconde des filles, avec solennité. « Et il faut bien que je le dise. Je trouve véritablement fort mal de bâtir de si terribles échafaudages sur la conduite d'une personne que vous connaissez si peu. » « Je vous assure bien que je ne bâtis aucun échafaudage, » répliqua Marie. « J'essaie seulement de deviner la pensée de maman. Et moi, je demande à établir que mon péché contre cette nouvelle et généreuse parente n'a pas été plus loin non plus, » dit Lucie. « c'est bien, nous verrons, mes enfants, » dit l'intelligente mère. « Attendons-nous à voir la multiplication des pains et des poissons. » « Et maintenant, Elisabeth, sonnez pour qu'on enlève le déjeuner, et vous allez voir de quelle manière, à la fois sage et convenable, je vais répondre à cette pathétique missive. » La lettre de Mrs. Peters, composée et lue à ses filles, fut approuvée même par la sage et consciencieuse Elisabeth. Elle contenait l'offre obligeante de recevoir Mrs. Barnaby dans leur maison de Rodney Place, jusqu'à ce que cette dame eût trouvé un logement à sa convenance, et se terminait par les compliments affectueux de toute la famille, plus cette phrase « Croyez-moi, je vous prie, votre sœur affectionnée, Marguerite Peters. » Ainsi, tout marchait selon les désirs de notre veuve. Cette invitation était exactement ce qu'elle avait souhaité, et après avoir répondu en acceptant et en fixant le jour et l'heure probable où devrait commencer son séjour à Clifton, Mrs. Barnaby jouit encore une fois des délices de se préparer à un voyage qui devait lui faire faire un nouveau pas en avant vers le but qu'elle avait en vue.